Montrez-moi la question du référendum éventuel. Montrez-moi la question, je vais répondre à l'autre question. Prédiction, la question va être longue et complexe. Ben ouais, voilà, c'est donc, c'est pour fourrer le monde. Formule creuse, il ne s'habille pas en drap foncé, il a une excellente écoute, ce qui explique pourquoi il n'était pas au débat des chefs hier soir. Voici donc votre animateur, Jean-Philippe Vaute! Hey! Bonsoir tout le monde! Woo! Yeah! Hey, bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre du débat des chefs d'hier soir. Fred Savard, bonsoir! Bonsoir! Hey, vous avez regardé ça, vous, le débat? Hey, les 10 premières minutes, ah ouais, hein? Après mon cadran sonné pour me tester ce matin. Ah ouais! C'est spécial, ça! Vous êtes chanceux, ça a passé vite, au moins, votre soirée? Oui, oui, au moins. Est-ce que vous l'avez écouté? Oui, ben moi, j'ai joué à boire une gorgée de scotch à chaque fois que j'entendais le mot « économie ». Alors, je me suis endormi sous avant vous. Ouais, ben... Ouais. Je pense que le truc pour écouter un débat au complet, là, c'est de boire du scotch quand on entend le mot culture. Ah, c'est ça le truc. Moi, j'ai une bouteille de scotch pour ça depuis 2003. Hein. Ah ouais. Et puis? Pas encore ouverte. Elle est pas encore ouverte. Mais j'ai hâte d'y goûter, par exemple. Hey, sinon, malgré, bon, on va se le dire, malgré la performance époustouflante de François Legault, là. Ah, puis quel habit, hein? Quel habit. Ouais. Honnêtement, moi, j'ai... Non. Malgré tout ça... Ça va de mal en pis pour la CAQ. Hein. Pauvres autres, les sondages, ça va pas bien, les sondages. Puis je sais pas si vous avez vu, mais il y a une attachée politique qui a été congédiée cette semaine. C'est pas une blague, parce que c'est vrai, elle a parlé de ses préférences sexuelles à la radio. Oh. C'est comme ça. Mais c'est comme ça, hein. Faut faire attention à ce qu'on dit. Une caquiste, ça doit être mazo, ça? Ben! Elle a pas donné de détails. Elle a pas donné de détails, mais elle a quand même dit qu'elle avait déjà fait la chose dans un spa. Hein? Hein? J'espère que c'était au moins un spa sur les berges du Saint-Laurent, là, pour être conséquente un peu. Ça non plus, elle n'a pas donné de détails, mais elle a quand même mentionné qu'elle portait des sous-vêtements rouges. Ah. Elle a dit ça à la radio. Comme l'ancien caquiste Gaétan Barrette, hein, il paraît qu'il porte des sous-vêtements rouges maintenant. Ce n'est pas pareil, Fred. Le docteur Barrette, ce ne sont pas des sous-vêtements. C'est un parachute. Oh! Ah, franchement! Non, je t'ai carré de tout ça. Ça, écoute, c'est une blague de mauvais goût. Oui. Deux, on s'est dit qu'on finissait ça la semaine dernière. Oui. Et trois, qui a écrit ça? Ce n'est pas moi. Non, mais j'ai pas le choix. Je sous-traite une partie d'écriture à des Chinois. Hein. Ah, mon Dieu. Je pense que c'est eux. Bon, faut que je les avertisse. Va falloir les avertir parce que c'est terminé à partir de maintenant. Ah ouais, c'était maintenant. La dernière. Bon. C'est fini. Parlant de ça, il y a l'animatrice Saskatchewan qui a, je sais pas si vous avez vu cette semaine, qui a reçu toute une vague d'amour, hein, de milliers d'internautes après son cri du cœur sur les médias sociaux. Je sais pas si vous avez suivi bon, ça. Bon, un autre qui a été victime d'intimidation dans sa jeunesse. Ben, avec un nom comme ça, on aurait pu croire que c'était ça, mais c'est pas ça. C'est plus qu'un auditeur, c'est pas une blague, là. Un auditeur lui a écrit parce qu'il trouvait qu'elle n'avait pas assez maigri. C'est-tu niaiseux, ça? Ah, ben dans le fond, elle s'est fait traiter de grosse. Ben, en gros, c'est un peu ça. Mais là, s'il fallait que je me mette à l'envers à chaque fois qu'on me traite de gros, là. Ben. Voyons, les gens vous dites que vous êtes gros. Oui, souvent, il y a des auditrices là, qui m'écrivent, ils me disent « Ah, gros pénis! Bah, » ah. Je continue mon travail, puis... C'est donc ben niaiseux, et surtout, c'est donc ben méchant. C'est méchant. C'est méchant. Les gens n'ont pas conscience du poids des mots, des non. fois. Hein? Nous, on a compris, on a fait plus de jokes depuis de gros. Depuis déjà une minute. Ça fait une minute maintenant, qu'on a arrêté c'est ça. Non! C'est non. Franchement, on a arrêté ça. En parlant de ça, il y a Denis Coderre et Régis Labeaume qui se... Mon Dieu, que les gens rient de rien, hein? Parlant de ça... C'est l'alcool. Hein? Bon, c'est ça. Alors, Denis Coderre et Régis Labeaume, les deux maires des grandes villes, vous l'avez vu, ils sont unis d'une seule voix, puis ça, c'est rare. Et ils ont demandé, en fait, de nouveaux pouvoirs pour leur ville. Ah oui, pour Montréal et Québec? Ah, en fait, je pense qu'ils veulent créer une nouvelle ville, ça s'appelle Démagoville. Ah oui? Ça s'en vient, là. C'est pas déjà Québec, ça? Ben voyons donc. Les gens de Québec sont modestes, frère. Ah, pas vrai? Ben oui. Ça fait longtemps que je parle. Vous savez qu'ils ont même pas d'équipe de la Ligue nationale de hockey. Ah. Ils ont les remparts. Ah. Hey, faut être modeste, pas à peu non, près. J'avoue. Hein. C'est de la petite pauvreté, ah, ça. Ah oui. Avez-vous déjà écouté les radios de Québec, d'ailleurs? Non. C'est pauvre, ça. Pauvre, hein? Ça n'a pas d'éducation, ce moment-là. Ah non, hein? Mais ils travaillent quand même. Ah. Des résilients, Fred. Des résilients. C'est un bel exemple. On les embrasse. Bon. Sinon, quoi d'autre cette semaine? Il y a... vous l'avez vu, hein, le ministre des Finances au fédéral, évidemment, Jim Flaherty, qui a dû démissionner semaine. J'imagine qu'il voulait pas perdre la face. Ouais, moi, c'est justement ça le problème, en fait. Mais il va rester quand même député. Hein? Et c'est Joe Oliver qui va le remplacer. Ouais. Ah, ça, c'est l'ancien ministre du pétrole. Ben, en fait, on dit ministre des Ressources naturelles, c'est tout comme. Ouais. Quelles vont être ses orientations? Ah, ça, on le sait pas, parce qu'imaginez-vous qu'il n'a pas parlé aux journalistes. Hein? Il a été assermenté, c'est pas une blague, en privé. Mais là, franchement, on a le droit de savoir! Calmez-vous. C'est juste le ministre des Finances, quand même. Hein? Ouais. C'est pas la reine d'Angleterre, franchement. Non, si on se met à questionner tous les petits ministres, mais heureusement, nos invités de ce soir ne sont pas des petits ministres. En fait, elles ne sont pas ministres du tout. Mais, non, hein? Mais on reçoit quand même la co-chef de Québec solidaire, Mme Françoise David. Oui. On est très contents de la recevoir. Mon Dieu, on dirait qu'on a un public solidaire. Ben oui, franchement. Moi, je ne l'ai pas vue, mais il paraît qu'elle était très bonne au débat hier. Hein? Ben, je ne sais pas, mais elle tweetait en même temps. Ah oui? Hey, c'est impressionnant, ça, tabarouette. Ouh, c'est tough, ça. Oui, et on reçoit également la candidate du PQ dans Verdun, Lorraine Pintal. Ah. Soit des péquistes, soit des gens qui aiment le théâtre. On verra. Une péquiste élue dans Verdun, là, ça serait tout un coup de théâtre. Ça tombe bien, les metteurs en scène. Pas autant qu'Yves Desgagnés, en tout cas. On aura le temps d'y demander parce que la soirée est encore jeune. Hey, le petit Mickey! Oui, c'est moi. Oui, parle-nous des internets. Les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radiotraditioncanada.ca/lasoirée où ils pourront lire un tweet de Tania Lompré, candidate déchue du PQ aux dernières élections, qui dit « Le troisième référendum, moi, je ne veux pas qu'il vienne vite, je veux qu'il nous fasse jouir. » Ah. Je pense que ça s'enligne plus vers un coït interrompu, ton affaire, ma Tania. On passe au courrier des auditeurs. Mais d'abord, il y a Martin Mayotte qui veut savoir est-ce que vous nous promettez de parler des vraies affaires? Mais là, Martin, là, on vient de parler des sous-vêtements du Dr Barrette puis du pénis de Fred Savard. Ça répond-tu à votre question, ça? Hein? Je suis tellement tanné là, de ces niaiseries-là. Là. Sinon, J.M. Labbé demande « Pensez-vous inviter José Breton, le candidat indépendant qui fait la promotion des femmes rondes? » Mais c'est pas dans nos plans, non. Nous, on préférait recevoir le candidat rond qui fait la promotion de sa dépendance au pouvoir, mais il veut pas. Je sais bien pas pourquoi. En tout cas. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir. Et là là. Bon, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, mon Dieu, Jean-Philippe. Non, il est revenu de vacances, Il est revenu, Fred. Ah. Oui, je suis désolé. Mais vous étiez. J'aimais ça le faire. Oui, vous étiez très bon, quand même. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, mon bon Jean-Philippe. Comment allez-vous? Ah, mon Dieu, vous semblez plus calme que d'habitude, Jean-Sébastien. Ben oui, absolument, vous le savez. Hein, je reviens d'une semaine de vacances. Une bonne semaine de tourisme sexuel. Ça replace tout le temps quelqu'un, Jean-Philippe. Ben, je comprends donc. J'adore ça moi-même. Oui, alors de très, très belles vacances, effectivement. Ben, je vous remercie beaucoup. Tant mieux, Jean-Sébastien. Et vous nous avez beaucoup manqué, vous le savez. Non, non, je pense pas, Jean-Philippe. J'ai entendu vos blagues la semaine dernière, les blagues de Fred Savard. Vos blagues. Des blagues que j'ai trouvées par ailleurs extrêmement méchantes, Jean-Philippe. Ah oui? Franchement. Oui. Mon Dieu, j'espère que ça vous a pas fait trop de peine. Un peu quand même. Bon, ben c'est réussi. Mais c'était quand même de la méchanceté non diffamatoire, hein? Absolument, Jean-Philippe, c'est quelque chose, un concept qu'on a appris cette semaine ensemble. Oui, parce qu'on a eu un cours avec les avocates de Radio-Canada. Ben oui, hein? C'est pas une blague, on a suivi une heure de cours hein, sur comment être méchant légalement. Oui, tout non. À fait. En gros, c'était ça. Oui. Par exemple, on a appris qu'en utilisant le terme présumé, hein, on se protège de beaucoup de choses. Ah oui. Quand on dit présumé, là, par exemple. Je sais pas, moi, on a parlé d'ailleurs du cas de Luca Rocco Magnotta. Vous l'aimez, vous, Jean-Sébastien. Alors, appliquez maintenant nos nouvelles connaissances là-dessus. OK. Donc, pour se protéger, je devrais dire en principe, Jean-Philippe, Luca Rocco Magnotta, le tueur du présumé chinois. Non! Mais non, Jean-Sébastien, voyons donc! On sait qu'il était chinois. Quand ils ont retrouvé la tête, ils l'ont bien vu. Ah. Non, c'est Magnotta qui est présumé meurtrier, Jean-Sébastien. Je suis tout le temps mêlé avec ces affaires. Ben oui. C'est compliqué quand même. Ben oui, mais ça va vous prendre une formation en continu. Je suis pas un magistrat, mon bon Jean-Philippe. Non, mais on vous demande pas ça, mais quand même. Non, mais ce que vous me demandez, en revanche, c'est de vous produire d'excellents reportages. J'ai quelque chose de formidable à vous proposer aujourd'hui. Ah? Je vous propose d'analyser le débat qui a eu lieu hier. Je vais analyser le débat avec une spécialiste et j'ai nommé la candidate libérale dans Outremont, Madame Hélène David. Ah, ben, Mais c'est pas la sœur de Françoise David, ça? Attention, attention, attention, Jean-Philippe, la présumée sœur de Françoise David. Ben oui, c'est tu bête. Soyez prudent avec ça. Là. Je veux dire, moi, me faire accuser d'être le frère de Françoise David, je trouverais pas drôle. Ben non! Je vous poursuivrai assez vite. Je comprends. Je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite, Jean-Philippe. Bye-bye. Fred, notre premier invité. Elle ne s'asseoira pas à côté de PKP à l'Assemblée nationale, mais on espère qu'elle s'asseoira à côté de Lorraine Pintal dans nos studios. Accueillons la co-chef de Québec solidaire, Mme Françoise David! Ah! Mme David! Tellement contente de se voir! Après une grosse soirée, j'imagine... Oui, après un débat, on se couche pas à 10h15, j'imagine? Non. Ah non, quelle heure on s'est couché? Juste pour savoir, là. De même, là. Ouais. Bon, je sais plus, minuit, une heure peut-être? Une heure? Ah, mon Dieu, fait que vous avez dormi un gros 12 heures, j'espère? Non. Vous êtes d'être ça? Non? Non. Est-ce que vous êtes en forme? Ben, on va s'organiser pour l'être. Ouais. Ça, c'est la réponse la plus honnête que je peux faire. Ah ben ça, j'aime ça. J'ai de la bière, hein, ça aide toujours. Non, ça aide pas à tout. Bon, comme je le disais, là, j'ai pas eu la chance de pouvoir jeter une oreille et un œil sur le débat au complet, mais est-ce que vous avez été bonne? Ben moi, j'aimerais mieux qu'on demande ça aux gens qui nous écoutent, là. Oui, oui, oui, oui. Merci. Je vais être franche. Oui. Première période, on dirait que j'ai toujours besoin d'un petit réchauffement. C'est ça qui arrive. Hein. Puis c'est plate parce que c'est la section sur l'économie. Ah. Bon, je vous ai entendu en parler. C'est pas la plus excitante pour commencer. Puis moi, c'est pas là-dedans que je suis la meilleure non plus. Ça tombe-tu mal? Hein? Ben oui, c'est maudit, ça. Mais là, je me réchauffe, moi, pendant ce temps-là. Okay. Puis après ça, me semble que ça a été quand même assez bien quand j'ai parlé de ce qui se passait, mettons, pour les aînés, l'optimisation, comment c'est rendu qu'une infirmière, il faut qu'à minute le temps qu'elle va passer avec le proche d'un aîné qui vient de mourir pour savoir combien de temps ça y prend pour faire son deuil. T'sais. C'est pas des farces, là. Genre d'affaires qui sont vraies, là. C'est pas de la science-fiction. Combien de temps il faut prendre pour donner Toyota, un bain à un aîné? Ça s'appelle l'optimisation. Mais c'est pas la méthode Toyota? Oui, exactement. Ça, hein? Fait que dans votre cas, vous autres, ouais. Ça voudrait dire combien de secondes vous prenez avant de faire rire l'auditoire? Ouais, eh hey, mon Dieu, ben nous autres, c'est pas long. Hein. Mais ça dépend qui parle. C'est fait toujours que j'ai réussi quand même, moi, je trouve, à faire une bonne job sur la souveraineté aussi. Il me semble que j'ai fait une bonne job. Puis toute la question du pétrole. Les placements à l'étranger, là, des élus, c'était bon, ça. Oui, c'était pas pire. Hein? Ouais. C'est nous autres qui a proposé... François Legault, il parlait pas dans ce non. Ben, en fait, je vais être franche avec vous, il n'y en a pas un qui parlait. Non, c'est drôle, là, ils m'ont laissé la place ouais. Quand j'ai dit qu'il fallait qu'on sache si les députés ou les ministres avaient des placements à l'étranger. On se rappelle du débat de 2012, hein, qui vous a un peu mis sur la map. Il y a des gens qui ont dit que le débat de 2012 vous a fait remporter Gouin. C'est pas loin de la vérité. Maintenant, je me dis, vous avez un co-chef, là, André Montecino, et... Et je me rappelle d'avoir parlé à Amir Kadir. Et il me disait que la stratégie, évidemment, c'était de mettre un co-chef en roulement pour grossir tranquillement les rangs des députés de Québec solidaire. Mais comment ça se fait que c'est pas lui qui a pris votre place pour le débat? Je pense que, premièrement, c'était comme important pour les diffuseurs que ça soit moi. C'était important pour nous autres. J'avais déjà acquis de l'expérience. Ouais. Et cette fois-ci, on savait que je ne serais pas la découverte. Hein. On ne peut, non, pas, ben on peut pas être découverte ben deux non. fois. Maintenant, quand définition. On vous a déterré, c'est une fois. Là, c'est une fois, c'est ben ça. Oui, je sais bien. Alors là, bien déterré, bien découverte. L'idée qu'on avait, c'était vraiment de faire mieux connaître les positions de Québec solidaire. Puis on se disait, il y a des gens qui sont habitués à m'écouter, ils me connaissent bien. Là, ils vont peut-être entendre ce que je dis. Hein, parce que la dernière fois, il aimait la manière, mais trois jours après, il ne se rappelait plus de ce que j'avais dit. Là, cette fois-ci, j'aimerais ça qu'il se rappelle que j'ai dit non au pétrole, que j'ai dit oui à la souveraineté, oui à la justice sociale. S'il se rappelait juste de ça, ce serait pas ça pire. Ce serait un bon ouais, début. Ouais, ouais, ça serait pas pire. Mais là, on s'enligne de toute façon avec les derniers sondages pour un gouvernement presque minoritaire encore. Fait que ça veut dire un débat aux 18 mois. Fait que vous vous mettez un nouveau candidat aux 18 mois. À un moment donné, je veux dire, vous allez finir par être 4-5. C'est un peu ça. Mais non, mais à un moment donné. Non, savez-vous quoi? Non. Il y a un moment donné des effets boule de neige. Moi, je crois beaucoup à ça. Cette fois-ci, je pense qu'on va avoir plus que deux députés. Je suis pas mal convaincue. Oui. Je sais pas combien, mais on va en avoir plus que deux, j'en suis certaine. Puis là, à un moment donné, là, je suis convaincue que les gens vont être assez tannés des deux partis qui nous gouvernent sans interruption, un après l'autre depuis 40 ans, que là, ils vont se dire c'est le tour de Québec solidaire. Moi, je crois à la possibilité d'une vague douce qu'il a. Pour le moment, je le sais, c'est pas la Marie hurlante, non. Mais c'est une vague qui avance, et je suis convaincue qu'à un moment donné, nous allons prendre le pouvoir. Bien, avec les changements climatiques, il va y en avoir des grosses vagues à un moment donné. Je veux dire, ça va finir par arriver. Vous savez, je lisais avant le débat d'hier, je lisais un peu ce qui s'est passé dans notre semaine d'actualité. On peut dire que Pierre Carle a volé la vedette en Etibout. On peut dire. Oui. On peut dire aussi qu'il y a eu une petite guerre de mots entre Pierre Carle, vous, Amir Kadir aussi, Jean-François Lisée qui a répondu sur son blog. Vous lisez le blog de Jean-François Lisée? Non. Très intéressant. Mais il y a beaucoup de gens qui se chargent de m'expliquer ce qu'il y a dedans. Ah, bon, moi, si, c'est parfait. Parce qu'il vous a un petit peu rentré dedans, oui, Jean-François. Et je me demandais, il vous accuse même d'avoir empêché le Parti québécois d'avoir une majorité aux dernières élections, aux élections de 2012. Est-ce qu'il y a raison de ça? Parce que c'est un peu vrai, dans le fond. Quand un parti politique, avec l'ensemble de ses candidats, mm-hmm. avec une conjoncture comme en 2012 où des tonnes de gens sont écœurés des 9 ans de pouvoir du Parti libéral, quand ce parti-là n'est pas capable de gagner une majorité, il doit s'en prendre seulement à lui-même et à personne d'autre. Ben, en même temps, c'est parce qu'en même temps, il y a une chose, c'est que on parle souvent de René Lévesque puis de l'époque du référendum de 80, où est-ce qu'il est allé chercher la droite et la gauche, hein, pour les réunir ensemble et puis faire un front commun. C'est un peu ce que le PQ est en train de faire en ce moment quand ils sont allés chercher Pierre-Carl Péladeau. C'est ce qu'ils veulent faire, j'imagine. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi vous embarquez pas dans patente pour justement aller vers l'avant? C'est peut-être de ça qu'il parle, Jean-François Lisée? Ah ben oui, j'imagine que c'est de ça qu'il parle, mais c'est parce que, en tout cas, dans mon esprit à moi, à tort ou à raison, il y a des lignes qu'on ne peut pas franchir. Quand François Legault a joint les rangs du Parti québécois, je savais fort bien qu'il était millionnaire, ex-propriétaire d'Air Transat, etc. Je n'ai pas déchiré ma chemise. Je comprends très bien, le Parti québécois, depuis le début, c'est un parti de coalition. Mm-hmm. Là, avec M. Péladeau, avec tout le respect que je dois aux convictions souverainistes de M. Péladeau, moi, dans mon esprit à moi, le Parti québécois a franchi une ligne. Il est allé chercher l'employeur qui s'est montré à peu près le plus impitoyable au Québec, responsable à lui tout seul de 14 locates et grèves et mise à pied de centaines de travailleurs et embauche de briseurs de grève. Moi, ça ne peut pas marcher avec moi, vous comprenez? Je serais au PQ, là, puis je serais prise avec un, mettons, Pierre-Carl Péladeau, futur, je ne sais pas, moi, Conseil du Trésor, ministre des Finances, etc. Ça ne marcherait pas 48 heures. Je ne serais pas capable parce que moi, je crois à des choses dans lesquelles il ne croit là, mais vraiment pas. Mais moi, temps, je voudrais réformer la loi anti-scab. Moi, je voudrais que les travailleurs mais aient adouci, plus de droits. C'est adouci depuis quelques semaines, oui. Ben, depuis quelques jours. En fait, ben oui, c'est quand même. On ne connaît pas toutes ces nouvelles idées, mais quand. Mais non, mais je veux dire, il n'empêche. Le gars est un chef d'entreprise et légalement, il a le droit de faire ça. Légalement, il a le droit de faire ça. Donc, si c'est légal, est-ce que c'est si mal que ça? Qu'est-ce qui est légal? Ben, les lock-out, par exemple. Je veux dire, il a fait ça en toute légalité, quand même, là. C'est légal, c'était légal. Mais comme j'ai dit ailleurs, dans cette bâtisse, c'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Ah ben là, c'est une autre affaire, ça. Ben, peut-être que les gens seraient plus intéressés à la politique s'ils avaient le sentiment que nous autres, les politiciens, on avait un haut sens moral. Les gens veulent évidemment qu'on agisse dans la légalité. Bon, mais ça, c'est comme le minimum, tu sais. C'est comme le plancher, c'est normal. Ouais. Mais je pense que les gens attendent plus que ça de nous autres. Puis c'est drôle, je me retrouve dans la situation où je parle plus du pays que Pauline Marois. C'est quand même étrange, ça. Mais elle a des choses importantes à gérer, Pauline, en même temps. Mais non, mais c'est vrai, elle est encore première ministre jusqu'aux prochaines élections. Oui. Mais justement, à propos de ça, il y a Jean-Jacques Strelitzky dans Le Devoir qui disait récemment « On a le cœur à gauche, comme l'évoque la gentille campagne de Québec solidaire, mais le ton devra changer, car le portefeuille des Québécois se porte plus volontiers à droite par les temps qui courent. » Bien, il n'y a peut-être pas tard. Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour ça? Est-ce qu'il faut ajuster son discours? Bon, il faut toujours chercher à se faire mieux comprendre, mais moi, je pense que quand il dit, en tout respect, que le portefeuille des Québécois est plus à droite, je pense qu'il fait écho à cette classe moyenne qui est juste tannée là, de payer plein de taxes, de tarifs ben oui. et d'impôts pour de moins en moins de services. Ben, elle a absolument raison, la classe moyenne. Mais c'est drôle, c'est pas ça qu'on entend de votre part. C'est-à-dire, c'est pas l'opinion qu'on entend. Ben, c'est ce qu'on se tue à dire. Alors, je le répète. OK. La classe moyenne a raison d'être tannée. Ce que je lui propose, moi, c'est qu'on aille chercher des nouveaux revenus pour l'État. Et ça, on est les seuls à Québec solidaire à le dire. Il n'y en a pas un autre qui veut aller chercher des nouveaux revenus. Puis ces nouveaux revenus-là, on va aller les chercher dans les minières, dans les redevances sur l'eau, dans les banques et autres institutions financières qui se sauveront pas au Mexique. Et Et oui, on va aller les chercher chez les contribuables aux revenus les plus élevés. Et là, je ne parle pas de la classe moyenne. On a sorti un cadre financier c'est il y a quelques jours à Québec solidaire. Vous, Jean-Philippe. Ouais, non, c'est ça. Moi, je commence à stresser bien raide, là, mais... Avez-vous peur? Ben, ben, justement, on va parler des vraies affaires. Mais non, on va parler des vraies affaires. Il y a peu de chances que vous soyez élu au gouvernement. Mais... Tant que des gens comme vous vont, vont répéter qu'on a peu de chances d'être élu, il y a un certain nombre de gens dans la société qui vont dire « Ouais, c'est vrai, son petit. Hein. » Ça vous tenterait pas de commencer à dire « Madame David, si vous étiez première ministre, qu'est-ce que vous feriez? » Je ne serais pas capable de vous dire ça. Vous êtes co-chefé, vous. Alors, vous seriez co-première ministre. Ça fait 8 ans qu'on a décidé que le jour où on est élu, je suis première ministre. Avez-vous quelque chose à me demander? OK. Je vais terminer avec une dernière question, madame la future première ministre. Merci. Ça va être pas au cynisme des gens, ça. Enfin, vous êtes doté d'un autobus de campagne cette année. Oui. Hey, c'est pas rien. Mais il est blanc. Vous avez décidé de pas le peinturer? Ben non, parce que c'est l'autobus des journalistes. Les journalistes nous ont demandé qu'il ne soit pas décoré à toutes les couleurs de Québec solidaire. C'est à cause de ça, on s'est demandé. Parce que nous autres, on croit à ça, l'indépendance journalistique, en passant. Oui, mais je veux bien croire, mais ça... Vous me pointez, je trouve ça bizarre. Non, mais... non, pas du tout. Non, mais c'est parce qu'en même temps, pourquoi pas le peinturer? Parce que, je veux dire, ça ferait de la belle publicité, ça, pour Québec solidaire. On se disait... Mais justement, l'autobus des journalistes, c'est pas un autobus pour faire de la publicité. Mais non, mais il faut gagner. C'est un terrain de guerre, quand même. Il faut être capable de gagner, on a des minivans pour nous autres avec un super gros cœur orange dessus. Ah. Ça ne passe pas inaperçu. Mais les journalistes, nous autres, nous pensons que la liberté journalistique complète doit être respectée. C'est pour ça que nous pensons que M. Péladeau ne peut pas garder toutes les actions qu'il a dans les médias au Québec en passant. Donc, c'est à ça que je faisais référence. Oui, je comprends bien. De la liberté journalistique. Le seul problème de notre autobus, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de journalistes dedans. Arrêtez donc. On nous le réclamait. On l'a... Là, il est à moitié vide. Ben oui, mais Fred, il n'y a pas de char maintenant. Fred, ça fait combien de temps vous avez pu de vous voyager? Moi? Moi, je vous propose d'enregistrer votre prochaine émission dans l'autobus. Eh, hey, mon Dieu! Ah! Vous auriez du fun! Ben, on va penser à ça. Ça va sonner un peu cacane, mais écoutez, on est... On est prêt. Non, ça va bien sonner. On a un autobus bien équipé, vous allez voir. Bon, parfait. Là, on va parler plus tard avec Lorraine Pintal, vous êtes prêts? Oui. OK, parce que je pense qu'elle est bien en forme aussi, Lorraine. Oui, parfait. OK, good. Vous restez avec nous? Bien sûr. Bon, parfait. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, Jean-Philippe. Alors, tel que promis, évidemment, je me trouve avec Mme Hélène David, présumée candidate libérale dans Outremont. Mme David, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, je l'aime déjà. Premièrement, je suis très honorée de vous rencontrer. Je vais vous dire d'emblée, j'ai un petit faible pour vous. Quand j'ai entendu dire que vous vous présentiez dans un vrai parti contre votre sœur, je me suis dit, bon, enfin, quelqu'un qui a de l'allure dans cette famille-là. Alors, ça sera un immense plaisir de commenter votre campagne un peu plus tard. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne, si vous me permettez, sur le débat d'hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, honnêtement? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant aussi comme nous, vous avez trouvé ça aussi ennuyant qu'une production du TNM? C'est épouvantable. D'abord, vous n'êtes pas très gentil pour ma sœur Françoise. De présumer qu'elle est ma sœur, aux dernières nouvelles, on a le même père, on a la même mère, on peut vous le garantir, test d'ADN inclus si vous voulez. Deuxièmement, le débat, comparer ça au TNM, c'est une institution culturelle aussi importante avec Lorraine Pintal, et qui est une grande metteur en scène et directrice de théâtre, s'il vous plaît, là, il ne faut pas parler contre le TNM. Moi, j'ai été très... Il faut donner à César ce qui est dû à César et à César pour ma sœur. Alors, le débat a été intéressant. 2 heures de temps, debout, sous les projecteurs. Françoise était adorable, elle était bien habillée, elle était cute, ça, je l'ai entendu de plein de monde. Mais oui, mais justement, parlons de son linge. Quand vous l'avez vu, vous avez dit votre texte. Mon Dieu, pour une fois qu'elle nous fait pas honte, vous devez vraiment impressionner. Quand même, il ne faut pas exagérer, là. Françoise était très jolie. Elle est magnifique. Bon, très bien habillée. Et puis, bon, ben d'autres fois, elle peut être habillée différemment, qui n'est pas moins beau. Alors, on retient que parfois, elle est habillée différemment. Madame David, je suis totalement amoureux. Il y a beaucoup d'autres sujets dont on va parler un petit peu plus tard, tout de suite après la chronique de Gros Pénis. Ah, franchement! Merci. C'est de l'intimidation! Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui a bien hâte au printemps pour que cette campagne électorale fonde comme neige au soleil. Oh. Deux semaines encore. Oui. Eh mon Dieu, c'est alors, au lendemain, oui, au lendemain de ce premier débat des chefs, je dois avouer que mon cynisme est encore dans le plafond, hein. Il est gonflé. aujourd'hui, et je n'ai qu'à tendre l'oreille pour constater que tout autour de moi, c'est la même chose. Je sais, c'est la grande tare des années 2000 que ce cynisme qui contamine notre vie démocratique. Et on accuse souvent les électeurs de l'entretenir, mais tout cela est de la foutaise. Le cynisme est une maladie qui se pogne par en haut, contrairement à une ITS qui se pogne par en bas. Et je ne parle pas ici de bas de laine. Non, contrairement à une syphilis, donc, le cynisme se pogne par en haut, par nos élites qui distillent ce même cynisme de main de maître. Comment ne pas être cynique après un débat comme celui d'hier soir, où pas une seule fois nous avons entendu parler d'environnement, alors que de plus en plus de gens doutent du réchauffement climatique parce qu'il fait moins 20 un 20 mars et que la NASA prédit la fin de notre monde? Comment ne pas être cynique quand on voit comment nos supposés sociodémocrates à la sauce péquiste se gargariser la barbegance de l'arrivée de PKP dans leur rang, comme si l'accession à la souveraineté pouvait se faire sur le dos des travailleurs alors qu'on les oblige depuis des années à rentrer au travail à genoux? Comment ne pas être cynique quand on voit un docteur Barrette passer de la CAQ au PLQ et essayer de nous convaincre qu'il travaillera pour les malades alors que ça fait 20 ans qu'il travaille à bourrer les poches des médecins spécialistes qui se partageront 1 milliard dans les deux prochaines années, non pas en Arabie Saoudite, mais ici même dans notre République de bananes? Comment ne pas être cynique quand Bernard Drinville nous affirme que des millions de pro-chartes sont victimes d'intimidation? Même la première ministre est dit victime d'intimidation par Philippe Couillard, franchement. Il y a vraiment des gens qui pensent que Philippe Couillard peut faire du mal à quelqu'un? Et y a-t-il quelqu'un vierge au Québec qui n'a pas été victime d'intimidation? Comment ne pas être cynique quand dans un des 2000 sondages Léger Machin paru depuis 2 semaines, on apprenait que 12% des électeurs de Québec solidaire auraient la CAQ comme deuxième choix? Je pense qu'avant de montrer aux membres de Québec solidaire comment tergiverser sur la souveraineté du Québec, on devrait commencer par les instruire sur les différences entre la gauche et la droite. Et parlant de sondages, on va se le dire, il n'aide en rien à diminuer le cynisme ambiant. Et bien honnêtement, entre un sondage internet non probabiliste et les cartes de tarot, je choisis le tarot. De toute façon, c'est presque la même chose. Dans les deux cas, il n'y a pas de marge d'erreur. De plus en plus, je pense voter en blanc. Et comme je ne suis plus vierge depuis belle lurette, ce serait ma seule opportunité de faire quelque chose en blanc avant de mourir. Je sais que c'est un sacrilège en 2014 de ne pas choisir. On va nous dire que dans d'autres pays, des gens meurent pour avoir ce choix, mais dans ces autres pays, ils n'ont pas nos politiciens non plus. Sincèrement, est-ce si grave si on ne va pas voter? Et à l'inverse, si jamais 100% des gens allaient voter le 7 avril, aurions-nous vraiment une meilleure vie démocratique? Quand je vais, de force, au 10h30, un samedi après-midi, et que je vois tous ces gens qui font la file pour un échantillon gratuit de shampoing, ou encore un rabais de 50 sous pour une boîte de 12 pogo double panure au bacon, j'ai tendance à penser que la réponse est non. Mais mon optimisme débordant me dit qu'on peut peut-être avoir le cheveu propre et gras et voter intelligemment. Comme je le disais dans une chronique précédente, je me demande parfois si on ne devrait pas tirer au sort nos dirigeants. Ils pourraient provenir de tous les horizons de notre société au lieu d'avoir le même profil qui nous gouverne depuis trop longtemps, c'est-à-dire des membres du barreau, d'anciens lobbyistes qui ont étudié en anglais à McGill, ou pour le PQ, des membres de l'UDA. À l'exception du comédien Émile Genet, qui avait milité pour le camp du non en 80, et qui d'ailleurs ne s'en est jamais remis, il en est mort sans emploi, bien que des rumeurs affirment qu'il serait toujours vivant sur la même île déserte qu'Elvis, le Boeing de la Malaysia Airlines et François Rebello. Je terminerai donc avec cette phrase de Coluche qu'on attribue souvent à tort à Philippe Bande. Si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Coluche est mort. Le cynisme non, et Philippe Bande encore moins, et j'en suis désolé. Merci Frédéric. Ben on va aller trouver Jean-Sébastien Girard immédiatement avant qu'il se sauve. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, de retour avec Madame Hélène David, candidate libérale dans Outremont. Oui! Oh, vous savez, Madame David, les dynasties au Québec, ça fascine. Il y a des David en politique au Canada, on le savait peut-être pas, mais depuis 1885, c'est pas banal, oui, quand même, grand-père, père, arrière-grand-père. Alors nous, évidemment, ici, on veut des potins. Quand vous étiez enfant, par exemple, Françoise et vous, est-ce que déjà il y avait des différences sur le plan idéologique qui étaient clairement définies? Bon, par exemple, est-ce qu'à la petite école, Françoise crousait les petits guignous de l'école pendant que vous, vous construisiez des cabanes avec vos petits camarades italiens dans la cour d'école? D'abord, quand on était jeune, Françoise et moi, on fréquentait la même école, hein, Françoise, Villa Maria, et puis il n'y avait pas de garçons. Il y avait un corridor avec des Anglaises d'un côté et des Françaises de l'autre. Hein? Alors, on jouait et puis on faisait probablement des jeux bien différents, effectivement. Mais il n'y avait pas de petits garçons, malheureusement. Je me suis surpris après, par exemple. Évidemment, bon, je fais des blagues avec l'autre Madame David, que j'aime tout autant que vous, évidemment. Mais quand même, on n'arrête pas de vous demander invariablement, hein, partout dans les médias, comment ça se passe, les parties de famille. Et les deux, vous dites tout le temps, ça se passe très bien, on a des belles discussions. Mais quand même, il y a certaines choses qui doivent vous gosser de votre sort dans votre famille. Par exemple, quand tu abrases son café avec un spaghetti équitable, ou bien non, quand elle arrive avec un cadeau d'hôtesse, puis c'est une promesse d'achat d'une poule qui va nourrir une famille au bien. Ça va vous tomber les nerfs. C'est formidable, vos exemples, parce que d'abord, le petit spaghetti, là, moi, je le prends autant qu'elle. Alors, on est écologiste. Écoutez, on peut être libéral et écologiste et environnemental, je l'espère. Avant de vous lancer en politique, vous avez été membre de Québec solidaire, vous vous en cachez pas, ça a été dit. Vous vouliez être gentil avec votre sœur, mais maintenant que vous, vous faites la politique, Mme David refuse de donner 5 $ pour devenir membre du Parti libéral. Je sais. Une femme qui gagne 85 000 $ par année puis qui chibe sur 5 piastres, c'est extraordinaire. Non, écoutez, moi, là, Françoise, en 2010, n'avait pas été élue. Et puis, on voulait quand même, Françoise a toujours cru énormément, été très engagée. Je le répète, c'était un modèle pour moi d'engagement social. Alors, quand je l'ai vue vouloir se lancer en politique, puis toute la famille, elle a demandé à plein de noms, bien, on a dit, qu'est-ce que c'est que 5 $ par année, effectivement. Mais maintenant, elle est en politique et je suis en politique. Alors, on va chacun donner un petit peu de contribution pour ce à quoi nous croyons, respectivement. Excellent. Madame David, on permet maintenant aux auditeurs de vous poser des questions à vous ou à votre sœur. Alors, vous nous écrivez à la soirée @radio-canada.ca. On vous revient dans une vingtaine de minutes, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. Hey, bye-bye. Fred, notre deuxième invité. Elle dirigeait le TNM et est en train maintenant de diriger la circonscription de Verdun pour le Parti québécois. Accueillons Madame Lorraine Pintal! Bonsoir! Bonsoir! Madame Pintal! Allô, ça va bien? Mais ça va très bien, soyez-vous! Ben oui, hey. Je suis presque contente de ne pas avoir une sœur en politique, moi, dans un parti d'opposition. C'est pas grave. Je vais vous dire que c'est pas facile, la relation. Ben, ça doit pas être évident de jaser de ça, d'autant plus que ces deux partis qui sont quand même assez éloignés. Mais on parlera pas des sœurs David pendant une heure avec vous, là, par non, exemple. Non, mais j'allais justement détourner le sujet. Ben, alors, de quoi allons-nous parler? Ben, de Verdun? On va parler de cohabitation difficile. Hey, Pierre-Carl Péladeau, c'est-tu le fun qu'il soit membre de votre équipe quand même? Ben, moi, je vais vous dire qu'il y a eu une adhésion à l'unanimité de l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau. Sauf des électeurs, par exemple. Hein? Ben, ça c'est moins ça. Encore une fois, il faut montrer les deux côtés de la médaille. Hein? C'est un peu manichéen, parfois, de ne montrer qu'un seul côté. Ouais. Parce que Pierre-Carl Péladeau, c'est vraiment un souverainiste de père en fils. J'ai connu les deux, je le connais, plus intimement peut-être que vous, d'ailleurs. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que Pierre-Carl Péladeau est quand même à la tête d'une entreprise qui a donné beaucoup d'emplois, florissante, a fait preuve de vision. C'est un vrai entrepreneur. Et moi, je connais Pierre-Carl Péladeau dans l'appui qu'il donne à la culture. C'est souvent invisible, mais je vais vous dire, par exemple, on parle des artistes d'un certain âge. Ouais, ouais. Non, mais... Attendez d'avoir un certain âge et d'avoir de la misère à gagner votre vie. Il n'est pas jeune. Moi, je vais vous dire que j'ai assisté à une soirée à un moment donné où il y avait Raymond Lévesque, le grand chantre du Québec, hein, qui a de la misère à vivre. Et il y a des bourses qui ont été instaurées par Pierre-Carl Péladeau pour permettre à ces gens-là de mieux vivre. Qui a sauvé le rideau vert quand le rideau vert a failli crouler sous le poids de la faillite? C'est vrai. Ben, c'est à coups de millions qui a aidé le rideau vert à continuer l'œuvre et à permettre à Denise Filiatreau de faire le théâtre qu'on connaît. Alors, il y a deux côtés à une médaille. Et moi, pour moi, le Parti québécois fait preuve d'une très grande ouverture. C'est un éventail qui représente la diversité des expériences et des expertises au Québec. Je préparais mes questions pour Lorraine Pintal en début de semaine. Et une des questions, c'était avez-vous hâte de devenir la nouvelle ministre de la Culture? Et puis là, j'ai dû ajuster. Avez-vous hâte de devenir porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture? Parce que les sondages ont quand même pas mal évolué. Je vous le dis, les sondages, il y en a qui sont crédibles, il y en a d'autres qui le sont moins. Je ne carbure pas aux sondages, ça, je peux vous le dire. Ah oui, d'accord. Moi, je carbure là, le porte-à-porte, la rencontre avec les citoyens de Verdun, leurs enjeux, ce qu'ils me disent, ce qu'ils désirent. Pendant le débat, là, on a très, très, très peu parlé de culture. C'est vrai, ça, on n'a pas beaucoup parlé de culture. On en a parlé. Oui. Mme Marois aussi, j'ai parlé d'environnement. Vous avez pas eu le temps. Personne n'en parlait. C'est pas vrai. J'en ai largement parlé. Je vous ai largement expliqué pourquoi le pétrole, c'était pas une bonne idée, qu'il fallait remplacer ça par des énergies vertes, des innovations technologiques, de la rénovation énergétique. Mais c'est pas de l'environnement, c'est de l'économie, ça. Voyons donc. C'est de l'environnement. Mais avec le pétrole, on parle aussi de revenus. Et je le redis, Daniel Breton a été très clair. Il a parlé d'exploration du pétrole sur l'île d'Anticosti, pas d'exploitation. Daniel Breton, lui, là. Alors, on va aller voir de quoi ça tourne. Et c'est normal qu'on investisse pour voir si on a des ressources qui sont les nôtres et qu'on puisse en profiter, nous, parce qu'on peut être maître mais de nos ressources. Parlons un peu du débat, justement. Là, on va revenir à culture. non, mais vous avez aimé ça, le débat. Est-ce que Pauline a gagné? Moi, j'ai trouvé que Pauline Damarois avait de l'aplomb. J'ai trouvé qu'elle était claire. Vous savez ce qui est le fun? C'est quelqu'un qui est transparente. Ce n'est pas une menteuse. Elle ne veut pas mentir à la population. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle a été vraiment la cible de toutes les attaques. Trouvez-vous qu'elle a fait un bon deal? Bon deal. C'est une petite blague. mais ce que je trouve... Je ne réponds pas à ce genre de questions. ce que je trouve le fun avec les débats des chefs comme ça, c'est que tout le monde gagne. Françoise a gagné. J'ai posé la question à Gérard Deltel hier. François Legault avait gagné. Ben oui. Ça, c'est le fun. Ben oui. J'ai su que Philippe Couillard avait gagné aussi. Oui. Et Pauline Marois a gagné. Mais il n'y a pas de... Pourquoi on fait des débats à ce moment-là? Si ben personne ne perd. Ben, je ne crois pas que ce soit l'avis de tout le monde, parce qu'en fait, on a parlé d'un débat musclé, ouais, vif, où les vraies questions ont été abordées, des vraies questions là, qui étaient des vraies posées. Affaires. Des vraies affaires. Ça, c'est le domaine du Parti libéral. On va dire les affaires du Parti libéral. Ouais. C'est autre chose que les vraies affaires. Et oui, j'ai trouvé que les candidats étaient là pour nous informer et que l'information a circulé. Maintenant, oui, il faut quand même, après ça, permettre l'action. Et au Parti québécois, oui, on est des gens d'action. On veut que les paroles se concrétisent par des actions. Okay. Alors maintenant, là, il faut donner un gouvernement majoritaire pour qu'on vous prouve qu'on est capable d'agir. D'accord. Mais maintenant, on va revenir à Verdun, parce que ça m'intéresse. Pourquoi vous vous présentez dans Verdun? C'est pas un comté qui est facile pour le Parti québécois. Ben, écoutez, aux dernières élections, Thierry Saint-Cyr a perdu par 500 voix. Ben, il y a un vrai vent de changement. Hein? C'est pas une grosse défaite. Et bon, il y a M. Gautrin, à qui je rends hommage, mais bon, qui a été chassé cavalièrement de Verdun par le Parti libéral. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Et j'ai mon adversaire, Jacques Daou, que je connais, avec qui j'ai déjà traité. Oui. Qui est aussi une tête d'affiche du parti, quand même. Qui est une tête d'affiche économique, banquier plutôt. Hein, ouais, ouais. Et je dirais qu'il ne faut pas minimiser mes forces en économie. J'ai dirigé un théâtre, on a parlé du TNM tout à l'heure. Je suis arrivée à le sortir quand même d'une faillite et ça prend de la débrouillardise, ça prend de l'inventivité, ça prend pas juste de l'argent et de savoir compter les taux d'intérêt. Là. On est capable d'avoir des visions et les réseaux. Ça, c'est ma force aussi. Et j'arrive avec une expérience d'artiste parce que je vais défendre les artistes et la place et la position de l'artiste dans la société, ça m'intéresse plus, comme même un éclaireur. Ouais, ouais, oui, ouais. Ben, il faut les entendre, il faut leur donner les moyens d'être entendus. Le sais, je ah, vous sais, en êtes un vous-même. Alors écoutez, il y a un artiste qui dort en vous et qui ne demande qu'à se réveiller. Alors, et donc ça, pour moi, c'est important. et Verdun, okay. pour revenir à Verdun, ouais, la bataille de Verdun. Mais pourquoi vous, dans Verdun? Est-ce que vous demeurez dans Verdun? Je suis une Montréalaise depuis 45 ans, travaillant dans Verdun. C'est la ville, c'est la force d'une île, et l'île, c'est la force d'un pays. Et ça fait un tout. Et Verdun a des enjeux, vraiment subi des transformations assez formidables. Ouais. Promenez-vous sur la rue Wellington, vous allez voir là, les petits commerces de proximité, les entreprises d'économie sociale. C'est assez fabuleux de voir l'organisation communautaire. Et moi, je suis là pour être une liante. Je me vois comme un liant, un trait d'union. Un lubrifiant social. Un lubrifiant social. C'est parfait. Dernière question maintenant, Mme Pintal. J'allais dire fécule de maïs, mais... Non, mais je trouve que... C'est dernière question, parce que là, avant de se quitter... Vous allez quitter le TNM, élu ou non? Ben, c'est-à-dire que j'ai un congé sans solde. Ah. J'ai des administrateurs qui, comme le disait Hélène David, sont très reconnaissants du travail de toute l'équipe sous ma gouverne accomplie au TNM. Maintenant? Et donc, j'ai un congé sans solde. Mais là, il va falloir... Non, mais si PKP garde Québécois, vous êtes capable de... Je vais garder mes actions au TNM. J'en ai. Mais c'est qui? Des paradis fiscaux, je n'ai que ça. Qui pourrait vous remplacer rapidement avant qu'on se quitte? Il y en a quatre. René Richardier, on parle de Serge Noncourt aussi. Il y a même Yves Tégagné. Oui, que je connais très bien. Il fait une très belle poisson aussi. Ouais, ouais. Il fait un très beau travail avec Mme Marois. Je vais vous dire qu'il y aurait des partis d'opposition qui auraient intérêt à avoir un metteur en scène de temps en temps. Ben... Alors, Yves Desgagnés, c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que je n'ai pas vu encore un portrait de femme qui pourrait me succéder. Ah. Et savez-vous, ça serait intéressant que parmi les quatre hommes, on nomme quelques femmes. Mais ça fait quand il y même en a 20... quand même parmi ça les femmes. Ça fait 22 ans que vous êtes là. Ça fait 22 ans qu'il y a une femme, c'est assez. Ben là, c'est ça. Ah, non. Je pense que, tout comme le gouvernement Marois au cours des 18 derniers mois, hein, on a vu qu'elle était capable d'agir. Ben, je pense mais que vous les femmes... êtes une extraordinaire politicienne. Ben, franchement, putain, je m'attendais... Merci, ça me fait... Pas que je m'attendais pas à ça, mais je veux dire, j'avais quand même préparé plus que quatre questions. Je me suis dit, mais coudonc, j'aurais dû en préparer que deux. Non, mais ça, ça fait longtemps que j'y pense. Ah, ça oui, fait longtemps hein? que je veux servir les citoyennes et les citoyens en leur faisant, rêver un projet collectif. Le fameux projet collectif dont parle Françoise, bon, ben, il est là au Parti québécois. Là, il faut aller écouter notre prochaine chronique. Là. Entendez-vous avis... ensemble, puis quand on revient, vous faites une coalition. Ben, ça serait vraiment intéressant qu'il y ait une coalition entre Québec solidaire et le Parti Franchement. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Vous avez tout le temps de faire ça pendant... Pardon? Ah, mon Dieu. Elle vient de dire qu'elle fera la coalition pour le prochain référendum. C'est sûr. On sera dans le camp du oui. Ben alors, il faut élire un gouvernement pour préparer le référendum. Oui, on peut élire bon, Québec ça paraît pas mon... Faut rire, là. Ah, voyez. Fred! Si la radio Jambon était un parti politique de droite, elle pourrait au moins se couper elle-même dans le gras. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Allez, faites nourrir avec la vraie radio. Eh bien, les semaines se suivent et se ressemblent sur les radios de Québec puisque c'est encore la fête du PQ et de PKP cette semaine avec toujours le même message. Pierre-Carl Péladeau est un politicien de gauche. Ah. En effet, pour Jérôme Landry de Radio X, PKP est à gauche parce qu'il n'est pas contre l'intervention de l'État. Et si je me fie à cette logique nuancée, Jérôme Landry, président de la Nordic Nation, est lui aussi à gauche puisqu'il était pour l'intervention de l'État dans la construction du nouveau Colisée. Reste que pour Jeff Filion aussi, PKP, c'est pas un gars de droite. Faites-moi pas à croire parce que c'est un gars d'affaires qui a pris la business à son père et qui a manqué l'échapper deux fois. Je peux pas croire qu'il devient systématiquement un gars de droite. La droite, c'est on comprend rien. J'avoue que je suis plus sûr de trop suivre. D'ailleurs, même un intellectuel comme Richard Martineau est perdu et pense que PKP est à droite, point final. C'est un gars qui est clé économiquement à droite et qui est hyper souverainiste, point final. Pas sûr qu'il est à droite, par exemple, Richard. Il est pas là pour réformer l'État. Je comprends, l'interventionniste de l'État et tout ça. Bon, c'est ce qu'on appelle un point final pas mal lousse. En même temps, c'est vrai que c'est assez compliqué, là, le débat gauche-droite. Ouais. André Arthur, du haut de sa radio de 3e couronne de Québec, lui, il préfère évaluer les politiciens selon des critères beaucoup plus simples. Par exemple, le docteur Barrette, c'est... Un gros cave prétentieux qui a décidé que lui connaissait ça, la médecine et la santé. Un gros cave. François Legault, lui... Faire un jeu de mots sur le nom du chef, c'est dévaloriser le chef. Et le gars... pour te montrer jusqu'à quel point c'est un cave, a vu ça, puis a dit « Ouais, t'as une bonne idée, ça! » Un autre cave. OK, puis les libéraux? On voit que les libéraux sont réellement des caves malhonnêtes. Ah oui, des maudits caves, bon. Puis PKP, tant qu'à être... Un cave. Un cave, un cave. Bref, tout le monde est cave égal, c'est ça l'objectivité. Ce n'est pas le cas de l'émission Tout le monde en parle qui a subi les foudres d'un Dominique Moret de Radio X indigné par le mauvais traitement offert à François Legault. L'attaque cheap fait avec vos taxes par le show le plus écouté au Québec. Tout le monde en parle, c'est une attaque directe contre la CAQ. Ça sera pas comptabilisé, il n'y a pas de gêne, c'est pas grave. Donc, le gangbang de Radio-Canada à l'endroit de l'ADQ-CAQ se poursuit. D'ailleurs, avis à notre public, le gangbang payé avec vos taxes est dans le bureau 1307 après l'émission, mais je vous avertis, là, on fournit pas les caquistes. Faut dire qu'à Radio X, là, ils ont ça à cœur, l'objectivité. Comment fait foi le petit thème que Dominique Moret utilise parfois avant de parler de la première ministre? Le petit monde merveilleux de Maman Pauline. Maman Pauline! Eh oui! Une belle petite chanson qui n'a pas coûté une seule goutte de vos taxes. C'est ça l'important, ça paraît quand même. D'autre part, comme le veut la tradition, Jean Lapierre est allé faire un vox pop pour tâter le pouls de la population de Trois-Rivières dans un centre d'achat un mardi après-midi avec son ami Alec et tout le monde lui a dit qu'il allait voter pour le PLQ. J'en reviens pas. Je te le dis. Hier, là, j'étais avec mon ami Alec Castonguay. Oui. On n'en revenait pas. Tout le monde, référendum, séparation. Séparation, référendum. Est-ce à dire que le Parti libéral va rentrer comme dans du beurre? Ben, rappelons-nous du vox pop que Jean Lapierre avait fait aux dernières élections à Brossard, devant un Winners, un mardi après-midi, avec son ami Alec. Et on était totalement abasourdis. Autant moi qu'Alec, que le caméraman, que Magali, on dit, ben voyons donc, il y a quelque chose qui ne marche pas à ma tête. Et donc, on est revenu à TVA avec peut-être une cinquantaine de personnes qui s'étaient prononcées devant la caméra. Puis je te dirais que là-dessus, 80% à peu près disaient « c'est la CAQ ». Et la CAQ avait finalement eu 27% des voix. Donc, en 2012, tout le monde dans les centres d'achat voulait voter pour la CAQ. Et en 2014, tout le monde dans les centres d'achat veulent voter pour le PLQ. Je fais l'hypothèse que le jour des élections, tout ce beau monde va justement être au centre d'achat. Merci, Olivier. Oh là là! Oh, ça brasse! C'est triste tout ça. Hey, on a donné la parole à la Radio Brune un peu plus tôt. C'est maintenant le temps d'écouter un peu de Radio Noire. Vous écoutez toujours le Radiovision Locato 30 AM. Jean-Étienne Audou, microphone en compagnie de Gladys derrière la console délicieuse comme un matoutou de crabe. Mais j'arrête ici mon lyrisme aveugle car je suis hors de moi. Kourou, colère. Le racisme ne s'est pas fait prier pour entrer dans la danse électorale. Il a bondi comme un 7 carré sur le pauvre monde et il se déploie déjà dans toute sa grâce. J'en veux pour preuve la démission faussée de Jean Carrière, ce candidat noir et péquiste de l'Est de Montréal. Voilà une brebis galeuse, un autre cabri sacrifié. Mais pourquoi exactement? Pour avoir mis des photos anti-islam sur sa page Facebook? Évidemment, je condamne son geste, mais la charte des valeurs québécoises est bien plus anti-islam qu'une simple photo. Pourtant, personne au PQ n'en a payé le prix. Encore et toujours, on a plutôt choisi de sacrifier un candidat noir comme si Pâques et ses sacrifices arrivaient avant l'heure. Les Noirs sont pas légion au PQ, mais il y en a. Il y en a un. Un homme volubile, dynamique, plein de joie de vivre, juvénile, qu'on cache depuis le début de cette campagne. Parti québécois, as-tu honte de Maca Koto? Parti québécois, où est Maca? Maca pas vaudou! Malheureusement, je vois trop clair dans la stratégie cousue du fil blanc du PQ, en mettant Lorraine Pintal dans Verdun. C'est qui ça, Lorraine Pintal? On espère qu'une fois élue, elle prendra la place de Maca à la tête du ministère le plus important, celui de la culture, pour retourner Koto dans sa savane derrière le parc industriel de Longueuil. J'ai beau être noir, je vois clair dans la stratégie du PQ. Et il devrait avoir honte. J'ai mal à la tête. Et comme disait le grand poète Dr. Dre, j'ai besoin d'un docteur. On va aller parler à Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, Jean-Philippe, beaucoup de courriels pour mesdames, oui. David. Alors, je commence avec le premier. Bonjour Hélène, bonjour Françoise. Vous êtes la fierté de notre famille. Je craque pour vous deux. Et c'est signé Biscuit. Ah! Biscuit David! Ah, oui. Je le cherchais. Je ne savais pas qu'on avait un septième frère ou sœur. Celui-là, il est illégitime, par exemple. Ni moi, ni François. Mais, mais il est peut-être plus loin dans la fournée. Moi, j'aimais les biscuits David à la feuille d'érable. Oh, oh mon Dieu! Ben oui, vous êtes libéral. Deuxième courriel, oui? Qui va comme suit. Bonjour Hélène, nous sommes tous les deux des collègues libéraux, mais je dois t'avouer que je suis assez inconfortable avec le don que t'as fait à Québec solidaire. Je veux dire, allô l'intégrité, et c'est signé Dr. G. Barrette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, ben oui. C'est un grand honneur. Et vous nous promettez de pas rire de votre soeur Françoise quand vous serez ministre? Oh. J'ai jamais ri de ma sœur François. Mais vous faites bien, parce qu'on vous aime tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est fini, Jean-Philippe. Ah, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci à Madame David. Mon Dieu. Une chance qu'il est revenu de vacances, lui. Ah, oui. Notre dernier chroniqueur, Fred. Il va nous analyser le débat d'hier soir, puisque c'est le seul de l'équipe qui l'a regardé au complet. Voici la famille de Jean-Philippe Cipriani. Yeah! Hey, Chip. Allez. Ah, c'est ça! Votre analyse sur la forme. La forme, exactement. Le décor, hein? Il y avait peint deux grosses fleurs de lys sur le plancher, un peu comme sur la poitrine de Diane Dufresne, là. Ah! Ça fait longtemps, c'est quand même. Oui, ça, ça fait longtemps. C'est une suggestion d'Yves Desgagné, je pense. Mais... mais je pense que c'est un souci écologiste, écologique aussi. Hein? Les lutrins étaient faits en vieilles portes d'armoires recyclées. Ça, oui, c'était le fun. Oui, c'était beau, un ça! Un genre d'assemblage de OG chez Renault Dépôt. Oui. Puis les chefs avaient tous un tabouret de quatre pieds derrière eux, d'un coup, qu'il y en a qui fasse un clair la marche. Ça, c'était bien utile. Ça, c'est important de prévoir ces c'est choses-là. C'est assez rare, Mme David, qu'on vous voit à l'extrême droite comme ça. Hein? Vous avez placé ben là, oui. C'est oui, ça m'a un peu gêné, mais j'avais pas un mot à dire ben là-dessus. Ah. Mais si tu le prenais à l'envers, j'étais à l'extrême gauche. Ça fait une moyenne. Garde. De toute ça façon. Ça dépend toujours hein, de la perspective. C'est ça. Mais quand la caméra était sur les chefs, quand même, le décor était noir, noir, noir. C'était bien dramatique. Moi, j'avais toujours l'impression que Mélanie Joly allait surgir, se mettre les mains sur les hanches et dire je suis majeure et vaccinée. Ah, bon, une annonce du cœur. C'était qui le meilleur costume là? Du côté des hommes, on salue la cravate bleue de Philippe Couillard qui avait niché dans les vieilles affaires de la soirée du hockey. Et chez les dames, quand même, bon, Madame Marois c'était gris là, un peu comme les corridors qu'elle traverse dans ses pubs. Mais Madame, ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. Ça. Madame David, vous avez pas votre carré rouge là, mais je dois admettre que vous m'avez un peu émoustillé. Hein? Ah ben franchement, Jean-Philippe. Ouais, votre dentelle transparente. Okay, on va se parler après l'émission. Votre dentelle transparente, ça me rappelle un peu Sylvia Christel dans Emmanuel. Oh là là! Si j'avais des émotions. Quel âge as-tu, s'il te plaît? Il est jeune, mais il aime les vieilles affaires. Il aime les vieilles affaires. Mais là, il n'est pas fou, là! Ouais. Mon Dieu! Mais c'est pas ça que je voulais dire! Ça, là. Et mon Dieu, je me sens mal! Franchement, c'est pas ça que je voulais dire du tout. J'ai chaud, là! Mais c'est vrai qu'il est comme ça. Il écoute des vieux films et des vieilles actrices. Okay. Oh. C'est Jean-Sébastien. Bon. J'ai trouvé très beau vos bras culottes, moi, madame David. Oh mon Dieu. OK, parlons du ton un peu, le là. Ton, oui, s'il te plaît, j'ai chaud. Moi aussi, j'ai chaud. Non, mais contrairement à vous, c'était bien respectueux, hein, Madame Marois, M. Couillard, Madame Marois, M. Legault, Madame Marois, Madame David, Jerry. Stéphane Bovet. Finalement, il y a Sébastien. Sébastien, excusez-moi. Mais c'est pas grave, avec l'âge. Mais... non, mais finalement, il n'y a pas eu d'intimidation. Personne n'y a goûté, même que Madame David a parlé de ses adversaires comme des estimés collègues. Hein. Ouais. Monsieur Couillard a commencé ses phrases par « en tout respect », la traduction française de « go fuck yourself ». Et... donc, pas besoin de tourner à l'amour et dans le pré pour voir des affaires un peu plus... Non. Okay. Mais le contenu, là... Allons-y avec Madame Marois. Ouais, Madame Marois qui regardait les spectateurs droit dans les yeux, comme Stephen Harper au dernier débat. Mon Dieu, qu'il l'inspirait, là. Ouais. Ouf! De plus en plus, hein? Le punch. Il y a une seule femme que j'ai vu perdre son emploi à cause de la charte, c'est Fatima Oda Pépin. Maria Mourani a adoré cette ligne-là. Ah oui! Et... mais il fallait voir la réaction de M. Couillard, quand même. Et Mme Marois qui a dit qu'il n'y aura pas de référendum tant que les Québécois ne seront pas prêts. Bon, la dernière fois que les Québécois ont dit « nous sommes prêts », J'ai bien peur. Okay. On fera pas de référendum de la nuit, d'ailleurs, qu'elle a dit, c'est une excellente chose. On va continuer de laisser les Québécois dormir quand même. Monsieur Couillard, là. Ah, lui, il a joué au bon père de famille, hein, le bon médecin, très bon médecin d'ailleurs, parce qu'il fallait être bien patient pour avoir ses réponses. Et le seul à citer des noms de citoyens qui ont la vie dure. C'est vrai, ça. Je crois que c'est des concurrents de La Voix, d'ailleurs. Le seul aussi à oser débattre avec Anne-Marie Dussault. Il était tout le temps que quelqu'un à la remettre. Ben, OK. Monsieur Legault. C'est un peu cheap, d'ailleurs, quand Monsieur Legault il a dit là, avez-vous déjà créé des emplois, Monsieur Couillard? Voyons, il y en avait une entreprise là, avec un Monsieur Laporteur. Ça marchait super bien. Mais Monsieur Legault, là, Monsieur Legault, on espérait tous que François Legault finirait par muer d'ici la fin du débat. C'est pas arrivé, mais. Mais il était bien content que sa femme soit pas là pour l'interrompre, la fatigante. Ah! Es-tu tannante, on a aussi su que le Québec. On a aussi su, grâce à lui, que le Québec était dirigé par le puissant lobby des commissaires des autres. Là, hey, ça, là. Ils obligent nos enfants à aller à l'école. Puis s'il était élu, on aurait une baisse de taxes. Des promesses de campagne électorale. Ça, c'est... Bon. Madame David, Finalement, vous n'avez pas parlé beaucoup. Moi j'ai aimé quand vous avez dit que vous n'étiez pas achetable. Hein? Je trouve ça le fun, le troc, moi. Moi aussi. Puis vos gagnants, puis vos perdants. Ben, j'ai consulté les militants de tous les partis. Évidemment, tout le monde a gagné et les radios sont numéro un à Montréal. Mais le grand gagnant, à part Sébastien Bovet, dans les gagnants plus obscurs, là, la Gaspésie qui reçoit 1 million de subventions par job. Ouais. C'est fascinant. Les caribous qui ont pu se reposer et les perdants. Encore une fois, je m'excuse, Muguette Payet. On a oublié encore Muguette cette année. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup. Yeah! C'est déjà terminé. Restez à l'écoute. C'est la bibliothèque de René dans quelques instants. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Jean Gagnon, Philippe Roberge et Steve Côté. Un gros merci à nos invités. Bonne campagne à Mme David et bonne campagne à Mme Pinkard. Bonne campagne à vous tous et toutes. Ah! On va voter le 7 avril, hein, c'est qu'il faut dire. Oui. OK, parfait. Oui, c'est ça qu'il faut dire. si vous tripez sur l'émission, évidemment, vous nous réécoutez. Notre balado est disponible sur iTunes. Vous assistez à l'enregistrement les vendredis à 16h ici. Écrivez-nous pour reprendre une réservation. Nos invités la semaine prochaine. C'est un secret! Oui. Ici Jean-Philippe Pontier qui vous souhaite de passer cette soirée encore jeune. Bye bye! Bye bye! Je suis de côté.